Attention. Attention. Attention. Attention. Attention avec qui vous avez affaire. Vous connaissez Karen? Karen Mulder. Un des top modèles les plus admirés, adulés. Karen Mulder. Karen Mulder. Karen Mulder. Karen Mulder. Super modèle. Top modèle. Top modèle. Top modèle. Au lieu de rester modèle. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Karen Mulder. Karen Mulder. Quand on l'aime, c'est pour toujours. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Cindy Crawford. Naomi Campbell, Tatiana Patis, c'est tous des filles superbement roulées. J'adore chanter. J'adore chanter. J'ai chanté ce matin. J'adore chanter. Comme des actrices. Actrices ratées. Karen? Oui. Vous avez encore grandi. C'est de la folie. Non, mais c'est vrai. En étant mannequin, j'ai tout ce qu'il me faut. En étant mannequin. Mannequin vedette. Je suis très heureuse. Mannequin vedette. Mannequin vedette. Tu devrais être mannequin. Avec nous, Karen. Non. Karen Mulder.